de chaque rose et les nomme dans son refrain. Rose en bouton s'épanouit, de blanc, de jaune, de carmin. Rosa floribunda, rosa multiflora, rosa centifolia. Rosa floribunda, rosa multiflora, rosa centifolia. Rosa.